Musique horrible. César. Bonsoir. You suffer, but why? Ou la question, tu souffres, mais pourquoi donc? Expédié en 1,316 secondes. C'est aussi notre point de départ pour cet épisode hors série de musique horrible. Aujourd'hui consacré à l'excavation de la figure d'un artiste des musiques extrêmes. J'ai nommé Monsieur Justin K. Broderick. C'était Imperator de Godflesh. Mais là, je viens de vous donner le début et la fin de notre histoire. Donc, reprenons là où nous avons commencé cette émission. Émission qui, comme toujours, est hébergée sur Radio Balise 99.8. Une station dont les responsables sont des audios pervers qui passent leur temps à écouter le bruit des cailloux, à marée basse. Et comme toujours, trônant dans le phare au milieu de l'océan, se trouve moi, César, l'équivalent en esprit et en os d'un grog bien dosé. Tout à l'heure, nous avons ouvert cette hors-série sur You Suffer, de Napalm Death. Une piste qui, encore à ce jour, figure dans le livre des records du monde de la chanson la plus courte jamais enregistrée. Ces compositeurs sont tous des jeunes punks fascinés par les notions de l'extrême, et là, pour le coup, ils ont battu, sans le savoir, un record. Là-dedans, celui qui nous intéresse, c'est le plus bizarre et le plus jeune de la bande. Justin K. Broderick. Revenons un peu en arrière. Le contexte est la fin des années 80 à Birmingham, une des plus grandes capitales industrielles du Royaume-Uni, dont les surnoms sont, en outre, Smoke City, Birmingham, et ma préférée, le Pittsburgh du Sud. Bref, un haut lieu du béton armé et de la culture industrielle à l'abandon. Une shitscape parfaite pour le développement des marmots les plus sensibles. Et parmi ceux-ci, on remarque le petit Justin K. Broderick. Broderick était un enfant étrange. Il avait vécu les premières années de sa vie dans une communauté hippie sur les bords de Birmingham, avant de devoir déménager dans les logements sociaux particulièrement dégueulasses et infects de la partie est de cette capitale de fer. Sa mère était d'origine allemande, d'une longue lignée de sorcières blanches dont elle s'était détournée suite au contact avec la drogue et la religion. Le père et le beau-père de Broderick, quant à eux, étaient des héroïnomanes qui n'étaient jamais à la maison. Là-bas, Broderick grandit, entouré d'histoires occultes de sa grand-mère qu'il écoutait aux portes, de hooligans de football qui voulaient lui péter la gueule, car son meilleur ami était bien sûr le gothique du coin. Et surtout, Broderick était entouré de musique. Dès l'âge de 11 ans, Broderick dévorait le Metal Music Machine de Lou Reed, les maxis les plus bizarres de Can et Pink Floyd, avant de passer rapidement au bootleg des formations punk, art, anarchistes, The Crass et Killing Joke, pour enfin terminer sur l'indus terrifiante de Throbbing Gristle et White House. Ah, et son beau-père, un peu moins héroïnomane que le premier, aimait bien lui faire écouter Roxy Music et Brian Eno. Entouré par tout ce bordel, Broderick se lance dans la musique. À l'âge de 14 ans, il porte un projet solo Ambient Smash Noise à base de bandes magnétiques appelé Final. Puis, à 15 ans, il rejoint Full of Because avec ses potes du quartier, Paul Neville et surtout J.C. Green. Le gothique de 19 ans, habitué du tabassage, qui deviendra le cofondateur du projet Godflesh. Enfin, la même année, Broderick se barre pour toujours de l'école. Une bonne décision. Pour ma part, je n'y ai jamais mis les pieds. Après quelques années à mûrir, Justin K. Broderick est là de stagner et décide d'organiser un concert plutôt merdique dans un bar de 25 personnes, grand max, dans la salle. Et ces 25 personnes en question étaient un mec avec son chien, de même que les membres des divers groupes qui jouaient au concert. Et parmi eux, on retrouve les jeunes bourrins de Napalm Death. Broderick est remarqué pour son jeu de guitare particulier. Et en 87, à l'âge de 18 ans, il rejoint le groupe et contribue à écrire le culte Scum de Napalm Death, avec des perles comme... Miam. Naturellement, moi, César, aime cette chanson. Mais comme vous pouvez l'imaginer, Broderick se fait rapidement chier dans Napalm Death et se casse une fois qu'ils ont fini d'écrire la première partie de Scum. Selon lui, il manque quelque chose de l'environnement cendré et poussiéreux dans lequel ils vivent. Ce que faisait Napalm Death, c'était l'exaltation de la haine. Broderick visait le sentiment en lui-même et donc se barre. D'ailleurs, en route, il se vire lui-même d'une autre formation appelée Head of David, car il, et je cite, jouait de la batterie pour faire du putain de bruit. Seul avec ses idées, c'était l'âge de 20 ans, 1988, en pleine explosion de l'acid house et du hip-hop à Birmingham, que Justin K. Broderick monte le groupe de metal et de post-punk expérimental Godflesh, avec son meilleur ami, J.C. Green, le gothique alors devenu fan des Beach Boys. À la basse, Broderick à la guitare, et la boîte à rythme la moins chère qu'ils avaient sous la main, pour faire l'intégralité des parties rythmiques. Wow. Pour le reste, c'est l'histoire que l'on connaît. Toute l'Angleterre commence par se foutre de leur gueule, au début, car ils ne comprennent tout simplement pas à quoi ils assistent. Quel est ce mélange d'indus, de métal, d'hip-hop et d'ambiance sans batteur avec de fragiles sur scène ? Broderick, Green et la machine contre-attaquent, en faisant exploser le son et la violence de leur performance, jusqu'à devenir des monstres cultes. Je propose qu'on concrétise cette suite de mots avant de revenir dessus. Voici un peu de musique de ces années folles de Birmingham. On va faire place à Avalanche Master Song, le premier vrai morceau de Godflesh, suivi d'un autre single de cette époque, Birmingham, qui n'est pas de Godflesh, mais de God, Dieu, tout simplement. hate, hate, hate. Vos oreilles viennent de saigner sur le free jazz industriel de God avec Hate Meditation. Un projet que Justin K. Broderick a mené avec le trop méconnu Kevin Martins. Ces deux gus feront par la suite bien d'autres projets ensemble. Notamment pour orchestrer les rencontres entre la musique industrielle, la noise et le hip-hop. Des fusions qui ne seront populaires que bien des décennies plus tard. Nous n'avons pas le temps de nous y pencher plus ce soir, car cela reste des projets Kevin Martins principalement. Mais, vous pouvez aller checker Techno Animal DC10, si vous êtes curieux de ce court sous-genre britannique disparu du hip-hop et de l'indus qu'est Lil Bryant. Il y aura un lien dans la description. Mais bon, ce qui est à retenir, c'est que des rencontres comme celle-là avec Kevin Martins ne sont pas des cas exceptionnels. Broderick, dont le Godflesh métissait déjà des univers qui à l'époque ne se mélangeaient tout simplement pas, va aller de plus en plus loin dans l'expérimentation de ses propres projets. Lui et J.C. Green vont oser des pistes de 20 minutes, comme sur Selfless. Broderick ira proposer des univers rythmiques distants et déconnectés, comme dans le chef-d'œuvre Pure. Et, en pleine effervescence de ses projets techno, il va pousser le vice jusqu'à proposer un remix version dub d'un des propres albums de Godflesh, Songs of Love and Hate. Et nous y arrivons. Je vais vous proposer d'écouter du Hell Dub. Et juste après ça, un petit interlude assez spécial. Puisque nous sommes dans un hors-série, je n'ai plus aucune obligation de vous mettre un morceau joyeux pour le milieu de l'émission. Toutefois, je continue de considérer que le contraste, c'est la vie. Après vous avoir tant parlé de Broderick, je vais vous le faire écouter. Ce dans un drôle d'interview où il doit avoir tout juste 21 ans. Il y commence sa première tournée aux States et où il essaye d'exprimer sa vision de Godflesh devant les intervieweurs ricains et son ami Paul Navo, qui ne comprennent rien à ce qu'il dit. Les amis et les ennemis, voilà ce qui se passe quand on réveille un introverti. Ah, et oui, l'interview est en anglais. Mais rassurez-vous, l'accent et les mimiques de Birmingham d'un Broderick surexcité élèvent aisément cette interview au rang d'objet musical pur. C'est un jeune homme à cette époque, donc saluons ses termes sincères et totalement approximatifs. César a fini de divaguer, en route, pour du Hell Dub. We'll be right back. Justin Broderick. I'm guitar and vocals for Godflesh. I'm Paul Neville, and I play guitar for Godflesh. And this is Los Angeles. And we're about to play the Country Club, California, Los Angeles. We're probably the heaviest thing people are ever going to hear in a coherent sense. I mean, there's loads of bands that are just tuned down and like, but like, we've actually got sound there, and it's actually unique, and it is fucking heavy. We just present people with a lot of harsh, vivid visuals that we can relate to, of things we really like, and then just present it to people in, we amalgamate all this stuff and then just shove it in people's faces and go, oh, what do you think? And we're not saying to people, think this, we're saying, what do you think? So we're trying to say, we're trying to provoke a reaction. My existence is based upon like a sort of paranoid outlook on things. But I see like paranoia as awareness in a sort of, in a similar, I mean, basically there is no dividing line really, I guess. I see being, as being totally paranoid as being totally aware. We just like intense images, something that's like really strong. Yeah, everything we use is intense and extreme, because that's the only things we can relate to, is extremities. The press in England, yeah, has been really, really favourable, and in Europe in general. The press in America is probably even more favourable, I think, in a way. I think we're getting better press in the States. We're getting better received. Slayer comes bursting out of it. That's alright. That's good. Slayer just burst in on it. It's pretty cool, actually. Our bass player, I mean, he listens to Beach Boys religiously. I mean, he loves the Beach Boys. I mean, he collects all the CDs. He loves the Beach Boys. And if that's probably the most extreme, far away thing I could think of. But then again, in a lot of the purity in their sound and stuff, the way they do things is probably very close to what we do sometimes. We played with Killdozer once. I don't know if you're familiar with it, but people are familiar with Killdozer. But we played like a lot louder than Killdozer. And we played with like full, something like 8,000 watts, total full power. And we know of one person in the audience who actually lost their hearing that night, totally. There was apparently a couple of women who actually orgasmed through the volume. I don't know, I'd like to add thanks to Hard and Heavy for being on this video, because I mean, we probably don't fit into the whole genre really that well. But it's great to see that we are. I mean, this has crossed over instantly already. This is causing something which is different. And something to add is just for people to start appreciating and opening their heads to something. Something unusual, you know, for people who just solely listen to metal, who are watching this video, I'd like them to listen to Godflesh and just appreciate something which is more mind-numbingly heavy. So if people want heaviness, and they've got it here. I mean, there's nothing heavier. But we're not saying that on a sort of, we're the heaviest band in the world. We're not going for that angle. We're just going for, we're Godflesh, and this is what we do. Merci, Broderick. Je t'aime. Pour revenir à Avalanche Master Song, à Godflesh et donc à ce musicien. En quête de transcendance, à travers des systèmes mécaniques et dans ta gueule, j'ai dit. Moi, César, j'observe deux choses que vous êtes libre de réputer. La musique de Broderick ne s'intéresse pas à la question des genres musicaux, comme une barrière avec ses propres codes et surtout avec sa propre culture. Tel un caméléon, tous les genres peuvent, doivent, se mélanger, dès lors qu'ils permettent d'explorer l'émotion visée. Dans le cas de Broderick, cette émotion, que l'on voit assez rarement représentée dans le métal, finalement, est la négativité. La négativité en tant que soi, accompagnée de toutes ses résultantes qu'on retrouve régulièrement dans ses travaux. La paranoïa, la dépression, la peur, l'anxiété et les pulsions autodestructrices. Toutes des choses qu'il a arrêtées de son environnement difficile en grandissant. Elles sont là, dans le béton de Birmingham. Pour Broderick, ces choses sur son parcours sont sans fin. Ce sur ses dizaines, vingtaines, trentaines de projets sur lesquels il a œuvré au cours de sa longue carrière. Un parcours qui va bien au-delà de Godflesh, car Broderick a aussi fait du hip-hop avec Kevin Martins, comme on l'a vu, de la folk avec Mark Kozlek, de la noise avec Aaron Turner, de l'avant-garde avec Jumbo, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de drum and bass, ambient et bruit en solo. Sans oublier qu'il est aussi le fondateur de Avalanche Records, ainsi que réalisateur musical et auteur de très nombreux mix, remix et mastering. Dans le monde de la musique, Broderick est la définition même du touche-à-tout. Mais, dans tout ce qu'il touche, on le retrouve immédiatement, car il vise toujours avec justesse les mêmes choses qui sont en lui et qu'il décline à travers plein de langues différentes qu'il adore mélanger. Cela est son rapport à l'extrême. L'extrême transcende les genres pour viser un point précis avec le maximum d'impact. Et pour Broderick, cette clarté est la raison pour laquelle les gens se projettent dans les musiques extrêmes, et pourquoi lui de même passe son temps à en jouer et à en faire compulsivement. Une fois, Broderick a dit en rigolant que ses musiques ne sont pas là pour le soigner. Ce n'est pas de la catharsis. Ça ne se finit putain de jamais. Et cela continuera jusqu'à sa foutue mort. Il le dit, car il le sait. Toutefois, il sait aussi que la musique est simultanément une des choses qui l'aide à aller mieux, à se dépasser quelques instants. Loin, très loin. Après, la question de savoir si cela est sain ou non. Moi, César, je n'ai pas la réponse. Je propose qu'on écoute encore un peu de sa musique, avec Knuckle Dragger, issu de son projet solo électronique GK Flesh. C'est un morceau laid, mais il y a bien un truc de là-dedans de ce que je vous ai dit à l'instant. On se revoit ensuite pour la fin du voyage. Knuckle Dragger, GK Flesh. We'll be right back. Généralement, quand je parle, je n'aime pas avoir de la musique derrière moi. La seule exception à cela, c'est l'ambiance, car c'est une musique qui doit occuper un espace. Et dans ce cocon, ici présent, elle me semble appropriée. Au début, j'ai commencé cette histoire en vous faisant écouter la fin, à savoir Godflesh après leur reformation, via la piste Imperator. Rappelez-vous, juste après You Suffer. Là, nous arrivons à la fin de l'émission, et je trouve alors juste de vous faire écouter le début. En ce moment, dans le fond, est en train de passer Final, le tout premier projet de Broderick, qu'il a commencé à l'âge de 14 ans. Ceci est une chanson qu'il a faite bien plus tard, mais toujours sur le nom du projet Final, qu'il a gardé avec lui. Il s'agit de Free, sur l'album Infinite Guitar 4. Bref, moi, César, vais vous raconter la fin de Godflesh, et ce qui a failli être la fin de Broderick, tout court. Les années 90 avaient souri à Godflesh. Il jouissait désormais d'un succès underground incomparable, et était perçu comme les maîtres de l'indus, avec un style propre à eux. Produisant leur musique en totale liberté, sous la protection des enfoirés de Earache Records, ils paraissaient intouchables. Cependant, après un album qui alla trop loin créativement en rendant hommage à toute la culture dance, Earache lâcha le groupe. Broderick et Green se retrouvaient à la rue. À la rue alors que commençait le 21e siècle. L'ère du téléchargement illégal était désormais en force. Et les labels avaient désormais peur de prendre des risques créatifs. Roadrunner, qui dans le passé avait supplié le groupe de les rejoindre, leur disait maintenant « Écoutez les gars, là on a Slipknot et des trucs du genre. Vous, vous êtes finis. » Après une longue quête, ils furent piégés dans un deal avec Music for Nations, le label Dopef et The Hardcore Superstar. Une dictature, dira Broderick. Contre leur gré, ils durent faire des concessions créatives multiples. Pire que tout, on les obligea à enregistrer dans une petite maison dans la prairie, au Pays de Galles. Les monstres. Mais plus sérieusement, tout sonnait putain de faux là-bas, dira Broderick, toujours en jurant, comme il sait si bien le faire. Et qui à l'époque essayait tant bien que mal de faire de l'indus expérimental, dans un environnement où se trémoussaient les papillons et les bambis. J.C. Green, lui, n'en voulait plus. Peu de temps après sort le magnifique et organique Hymns, une anomalie juste assez viscérale pour plaire au public new metal florissant de l'époque. Broderick Green était épuisé et déprimé. On les obligea dans une tournée à célébrer l'album. Une grande tournée. Ils n'étaient pas vraiment prêts. Mais ils se sont quand même motivés. Et au dernier moment, on leur fit passer de tête d'affiche à première partie de Strapping Young Lad et Fear Factory. Des fils de Godflesh que Godflesh ne connaissait pas. Sur leur propre tournée. C'en était trop. Une poignée de jours plus tard. Quelques jours avant que ne commence cette tournée, Green appelle Broderick et lui dit qu'il est trop vieux pour ses conneries. Le groupe joue maintenant selon les règles de l'industrie et fait des pas en arrière. Green ne peut pas faire partie de ça. Il veut être avec sa partenaire et retourner à l'université. Broderick et lui discutent longtemps. Toutefois, incapables de nier leurs convictions respectives, incapables de se mettre d'accord, c'est en pleurs qu'ils raccrocheront tous deux le téléphone. À partir de là commence une spirale autodestructrice pour Broderick. Ce dernier est enroulé en boule, sur son plancher, et il ne fait plus rien. Godflesh, c'était lui et J.C. Green, et rien d'autre. Pendant qu'il est enroulé en boule, paralysé, son corps se lève et est contractuellement obligé d'effectuer de multiples tournées à travers le monde. Il ne fallait pas signer. C'était exactement comme l'avait décrit Green au téléphone. Horrible. Mais des cuites non-stop permettaient au corps de tenir debout. Et ce corps disait même de temps en temps, avec tristesse, à la fin des concerts, « We are Godflesh. » Pendant que tout cela se passe, Broderick est toujours enroulé en boule sur son plancher, là où on l'a laissé. Inerte, incapable de dormir, et souffrant de crises de panique tous les jours. Au bout d'un moment, le corps ne peut plus continuer et arrête de faire des concerts au beau milieu de la tournée. Broderick est maintenant en dette de plusieurs centaines de milliers de livres. Toutes les personnes qui dépendaient de cette tournée le perçoivent comme arrogant et lâche et le menacent personnellement. Sa femme le quitte dans la foulée et sa maison est saisie pour éponger une partie des dettes. Broderick, quant à lui, est enroulé en boule, désormais à même le gravier, les yeux tournés vers le vide. Le vide ? Pas que. À l'image de la dernière piste de Hymns, Yaesu, on retrouve, passé quelques minutes de vide, une piste secrète. Tout à la fin de cet album. Une piste secrète qui, pour la première fois, est une fenêtre vers une émotion qui n'est pas la négativité. Broderick décide de la saisir, et en conséquence, se lève et monte le groupe Yaesu. À ses débuts, ce groupe est littéralement le son de Broderick en train de se relever de cette expérience d'avoir tout perdu. Puis passé cela, Yaesu devient par la suite quelque chose de lumineux. Parfois ridiculement lumineux, comme sur l'album Conqueror. Et ce rêve est naïf et con. Mais ça a quelque chose de cool aussi. J'en suis certain. Je pourrais finir sur le fait que Godflesh se soit reformé plus tard et est toujours fabuleusement négatif et viscéral. Ou je pourrais aussi finir sur Yaesu, qui serait une sorte de happy end cucu, étant donné que ce groupe a littéralement sauvé Broderick. Mais la vérité, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Comme Broderick l'a dit, il n'y aura jamais de fin définitive à son histoire. Tout ce qu'il fait, c'est créer, et créer, et créer. Et encore aujourd'hui, il passe d'un projet à un autre avec une sincérité et une attention égales. Pour lui, c'est ça être extrême. C'est composer simultanément avec tous les langages musicaux, quels que soient leurs univers opposés, pour au final explorer ses propres ambiguïtés et ses propres émotions jusqu'à leurs limites. Là où ces choses ambiguës se retrouvent. Sur ce, j'aimerais conclure ce hors-série. Il a été dédié à un artiste pluriel, et j'aimerais le conclure donc par une chanson un petit peu plus ambiguë. Si vous avez haï cet épisode spécial, merci, je vous emmerde. Et je vous invite à m'écrire à musique.horrible@gmail.com. Moi, César, vous souhaite une bonne nuit, et souhaite une bonne nuit à votre meilleur ami. Avec ce morceau de Yaesu, Friends are Evil. Ah, et post-scriptum. Chaque Noël, Justin Broderick pleure. Il ne sait pas pourquoi. Yeah.